Rádio Blog em janelaamarela.blogspot.com. sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marre seul dans ses escoutés. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins pour dire des trucs plus loin de ce qu'on dit. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marre seul dans ses lignes. Intelligent. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Thank you. Janela Amarela, Rádio Cinemática. Thank you. Janela Amarela em Tapete Voador. Fim.